vêtements rétro, les cheveux qui tombent sur le devant. Il finit d'écrire quelques mots, attache une corde et puis se pend. Il a bu toute sa pharmacie jusqu'au dernier référagant. Déjà tenté de finir sa vie, s'ouvrant ses veines avec ses dents. Mais pourquoi tu te pends, t'es bête ou quoi? Mais comment tu t'en vas, y'a mieux, crois-moi. Regarde-moi bien en face, de près vraiment. Corde à son cou, les cheveux le gênent un peu devant. Il saute, se fracasse les genoux, la corde n'a pas tenu longtemps. Il pleure de rage, rouge de sa tête contre ce foutu fabricant. Décide de sauter par la fenêtre du rez-de-chaussée, c'est moins marrant. Mais pourquoi tu te prends, t'es bête ou quoi? Et comment tu t'en vas, y'a mieux, crois-moi. Garde-toi bien en face, t'es sûr.